France Culture avec Philosophie. Géraldine Mühlmann. La série que je vous propose cette semaine s'intitule « Philosophie et psychanalyse ». Elle est composée d'émissions déjà diffusées dans le cadre d'autres séries et réunies ici. Aujourd'hui, Schopenhauer et Freud, qui a découvert l'inconscient ? Sigmund Freud a-t-il reconnu sa dette envers Arthur Schopenhauer ? Il y a un petit débat entre spécialistes. Au vu du nombre de mentions du nom de Schopenhauer dans l'œuvre de Freud, j'aurais tendance, pour ma part, à dire que oui, mais nous allons en discuter. En tout cas, le concept de volonté chez Schopenhauer, concept qui désigne une sorte de vouloir vivre et de vouloir connaître dans l'homme, abrite à ses yeux un ensemble de passions provenant du corps. Des passions assez immaîtrisables et non entièrement conscientes à notre intellect. Schopenhauer n'a jamais forgé le substantif, l'inconscient, mais l'adjectif inconscient ou inconsciente, pour désigner certaines de nos pensées obscures, est constamment présent sous sa plume. De plus, nombre de nos comportements tiennent selon lui à une pulsion sexuelle fondamentale que nous avons du mal, certes, à reconnaître comme telle. Pour évoquer tout cela et aussi pour mieux comprendre cette volonté dont ne cesse de parler Schopenhauer, j'accueille Christophe Bourriaud, philosophe, spécialiste surtout de philosophie allemande, professeur à l'Université de Lorraine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes coéditeur avec Jean-Charles Banvois et Bernard Andrieux de l'ouvrage collectif Schopenhauer et l'inconscient, paru aux presses universitaires de Nancy en 2011. Bonjour Hugo Battini. Vous êtes avec nous aussi ce matin, philosophe, professeur en classe préparatoire. Vous aussi, vous avez écrit sur Schopenhauer. D'ailleurs, vous vous apprêtez à soutenir une thèse sur, si j'ai bien compris, la dynamique analogique dans la pensée de ce philosophe allemand du 19e siècle. Enfin, bonjour Patrick Declercq. Bonjour. Vous êtes anthropologue et psychanalyste, même si désormais vous consacrez votre vie à l'écriture. Depuis votre succès de 2001 chez Plon, Les Naufragés avec les Clochards de Paris, vous avez été membre de la Société psychanalytique de Paris, et Schopenhauer est votre compagnon de chevet. Sa noirceur ressemble à la vôtre, ses intuitions à propos de l'inconscient vous semblent décisives. Et votre père alors ? Non, mon père ça va. Il est mort en plus, donc... Vous voulez pas m'en parler un peu ? Non, non. Vous aviez quel type de relation avec votre père ? Ah ben non, écoutez, je vous ai dit non. Non, mon problème, c'est que je comprends pas. Je me reconnais pas. J'y crois pas à toutes ces conneries. Comment ça peut m'atteindre à ce point ? C'est ça que je voudrais comprendre. C'est la première fois que vous pouvez pas contrôler quelque chose ? Écoutez, je crois que j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû venir. Moi, je cherche une solution là, maintenant. Pas envie de... C'était des années, hein. Je vous dois quelque chose. Rien. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre un extrait du film Au bout du compte, réalisé par Agnès Jaoui en 2013, coécrit avec Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri, qui est le patient dans cette scène chez le psychanalyste. Manifestement, le personnage qu'il incarne est très agacé qu'on lui suggère de dire quelques mots sur son père, niant alors l'intérêt de sa propre démarche, de ce sujet et de sa propre démarche qui l'a conduit chez le psy. Bon, c'est assez classique, ce déni, cet agacement, à propos de quelque chose qui, pourtant, dit-il, n'a pas d'importance. Vous connaissez tout cela par cœur, Patrick Declercq, vous qui avez été psychanalyste. La question que je voudrais poser, c'est le psy, face à cette situation, a quand même tout intérêt à fermer sa bouche, non ? Parce que c'est le risque de la résistance, dans la psychanalyse, comme on dit, c'est la rupture. Absolument. En écoutant cet extrait, la première chose qui me venait à l'esprit, c'est cet extrait qui est très bon, d'ailleurs, qui concentre toute cette problématique, c'est que je dirais que le premier devoir, dans la mesure du possible, de l'analyste, est effectivement de ne pas poser de questions qui peuvent être ressenties comme intrusives, voire voyeuristes. Et donc, on prend ce qu'il y a, en quelque sorte, et avec cela, on essaye très, très, très doucement d'aller un peu plus loin, de faciliter les associations. Mais c'est pour ça que le processus est long, et il a à être long, parce que c'est un processus de métabolisme, justement, de l'inconscient, qui progressivement fait quelques clins d'yeux au conscient du patient. Donc c'est long et c'est compliqué. Et autre question, qui est une conséquence de votre réponse, si c'est ça le travail en analyse, si c'est ça la psychanalyse, la cure, alors on voit bien que c'est pas seulement la question de l'inconscient, beaucoup de gens ont mis le doigt avant Freud sur des choses inconscientes, l'enjeu c'est de travailler avec, c'est le transfert, c'est essayer de faire bouger certaines choses qui bougent difficilement, bref, Freud a découvert ou inventé beaucoup d'autres choses que simplement l'inconscient. Oui, certainement. Inconscient dont on voit, dont Schopenhauer n'arrête pas de parler, même s'il utilise peu le substantif. Il y a tout cela, il y a la question de la sexualité dont Schopenhauer parle aussi et dont Freud souligne comme étant, ils sont quand même d'accord sur ce point fondamental, que le moteur essentiel de notre vie psychique, c'est la sexualité et le narcissisme. Voilà. Le réel est secondaire et le bébé... est profondément mégalomane parce que le cosmos, c'est moi. Alors là, vous me répondez par rapport à Schopenhauer. Ma question visait quand même à nous demander d'emblée si Freud n'a pas fait beaucoup plus que Schopenhauer. Schopenhauer a trouvé des mécanismes inconscients, on va les décliner, mais Freud a découvert une manière de faire avec. Et de traiter. De soulager, de traiter. Voilà. Vous êtes d'accord, Christophe Bourriaud, que certes, il y a dette et on va en parler, mais c'est quand même incommensurable ce qu'a fait Freud. Oui, tout à fait. Par rapport à ce qu'a fait Schopenhauer. Parce que Schopenhauer n'a pas proposé de traitement hein, des symptômes et des troubles psychiques. Il a proposé des manières de se libérer du diktat du vouloir vivre, hein, plusieurs voies, la voie esthétique, la voie compassionnelle et la 16, pas l'autoroute. Et il a pas, en revanche, il n'a pas proposé vraiment de technique comme a fait Freud pour traiter justement les troubles psychiques. Et est-ce que vous pensez que cette dette, Freud l'a reconnue? J'ai dit que je pensais que oui, mais je suis pas sûr que vous soyez d'accord avec moi. Il est très ambigu. Christophe Bourriaud. Ouais, oui. il est très ambigu parce que d'un côté, il reconnaît, c'est souvent Karl Abraham qui l'incite à reconnaître sa dette envers Schopenhauer. Il prétend qu'il l'a lu très tard. Par exemple, il dit à Lou Andreas Salomé dans une lettre de 1919, j'ai lu Schopenhauer très tard dans ma vie. Mes découvertes, je les dois à mon ignorance. Et en fait, il l'a cité déjà avant dans de l'interprétation des rêves. Où il a quand même 44 ans hein, quand il fait l'interprétation des rêves. Bah oui. Supposé qu'il l'ait lu là, il pouvait dire qu'il l'avait lu tard. 44 ans, à l'époque, c'était pas forcément très jeune. Ouais. Mais en fait, il dit qu'il l'a lu après. Alors, c'est ça le problème. Ouais. Et puis, il était un peu gêné par rapport à Schopenhauer. Par exemple, il écrit à Julius Burger, qui avait fait un livre sur Schopenhauer. Il lui avait dit, c'est très bien, tu rends populaire l'hypothèse de l'inconscient, mais mon originalité risque du coup d'en prendre un sacré coup. Donc là, on a l'orgueil de Freud, c'est assez indéniable. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugo Battini, vous qui travaillez sur Schopenhauer, connaissez bien ces questions liées à l'inconscient et au corps, hein, parce qu'on va pas mal parler aussi du corps, de la chair, Leib, chez Schopenhauer. Est-ce que vraiment il a ouvert il a creusé un sillon que Freud a prolongé, ou est-ce que vous diriez, bon, d'accord, Freud a prolongé, mais Freud a fait bien plus que cela? Déjà, moi je pense que par rapport au contexte, c'est impossible que Freud ait pas une connaissance approfondie de Schopenhauer avant, puisque... Il était dans l'air du temps. Il était dans l'air du temps. Schopenhauer, c'est quand même le philosophe le plus lu de la deuxième moitié du 19e siècle. Il est, par Hartmann, la philosophie de l'inconscient. Thomas Mann, qui écrit un article sur Freud et l'avenir, dit clairement que Freud ne fait que retranscrire les concepts métaphysiques de Schopenhauer. Il commence son article comme ça, oui. Ce qui est probablement exagéré. Mais pour moi, la filiation est assez claire. Et refoulée, si j'ose dire, par Freud ou pas trop. C'est comme Bacri dans l'extrait, quoi. Je pense qu'il ne peut pas reconnaître. Vous pensez qu'il n'a pas reconnu. En parler, ouais. C'est ça. C'est. Pourtant, elle est mentionnée dès 1900. On la retrouve, cette dette, dans plusieurs textes. Même si c'est vrai que tard dans sa vie, Patrick de Clercq, il a eu l'air de dire bon, enfin, faut pas diminuer l'originalité de mes inventions. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec lui, donc je ne vais pas le traquer là. Mais vous trouvez qu'il charrie un peu. En fait, une précision par rapport à ce que j'ai dit. Dans la lettre à Lou Andrea Salomé, il dit « Je viens de lire pour la première fois Schopenhauer. » Et là, il charrie. Oui. Là, en 1919. Oui, mais là, là, non, il pousse un peu. Oui, bien, mais c'est bien sur la... essayé. Oui. C'est sur la mort, hein, excusez-moi, mais dans cette lettre, il dit très exactement qu'il choisit à un âge avancé, il a alors 63 ans, de s'intéresser à la mort, et que là, il est tombé sur une conception des pulsions qu'il avait lue pour la première fois chez Schopenhauer. Il y a une ambiguïté, c'est peut-être sur la mort qu'il l'a lue pour la première fois de manière approfondie. Oui, tout à fait. Alors, Freud, il reprend de Schopenhauer l'idée que les deux pulsions fondamentales, c'est la pulsion de vie, pulsion de conservation et pulsion de plaisir. Mais Freud va ajouter la pulsion de mort. Et peut-être que déjà à cette époque, il se posait la question de la pulsion de mort. Et chez Schopenhauer, on ne trouve absolument aucune trace de cette idée d'une pulsion de mort. Tout à fait. Tout à fait. Bon, alors, votre vision de Freud et de sa dette reconnue ou mal reconnue envers Schopenhauer, Patrick de Clercq. Mal reconnue, certainement. Mais quand on parlait tout à l'heure d'éventuellement une vision plus positive de l'humanité ou des possibilités de l'humanité et de la psychanalyse de Freud par rapport à Schopenhauer qui dit, vous, et bien entendu, vous avez tout à fait raison, c'est la musique, la cesse. En même temps, Freud dit quand même la psychanalyse, il est très fier d'être le père de la psychanalyse et il est le père de la psychanalyse. Néanmoins, il dit lui-même que peu de gens peuvent être analysés, que tout cela se heurte pour des raisons. Pourquoi, Patrick de Clercq ? À la fois pour des raisons de résistance, pour des raisons de temporalité, pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques, il y a toute une série de raisons, mais aussi simplement parce que la pathologie générale est telle. Les sujets n'ont aucune intention de se faire analyser et en plus sont peut-être malades ou altérés, mais fondamentalement satisfaits de leurs conditions. La majorité de la masse, et je ne parle pas des classes sociales, je parle de la masse, ne se tourne pas dans son malaise existentiel vers la psychanalyse, il se tourne vers l'alcool et le football. Très bien, j'adore vos silences. C'est peut-être encore ce que je préfère à part votre voix. Alors, on va lire quand même un texte célèbre de Freud où il cite Schopenhauer. Il s'agit d'un article publié en 1917 dans les essais de psychanalyse appliquée. Enfin, le volume est postérieur, mais l'article qui s'intitule « Une difficulté de la psychanalyse » date de 1917. On écoute, c'est Carla de notre équipe qui lit. Peu d'hommes, sans doute, s'en rendent clairement compte. Ce serait une démarche lourde de conséquences pour la science, comme pour la vie pratique, que d'accepter l'hypothèse de processus psychiques inconscients. Mais hâtons-nous d'ajouter que ce n'est pas la psychanalyse qui, la première, a fait ce pas. D'éminents philosophes peuvent être cités pour ses devanciers, avant tout autre, le grand penseur Schopenhauer, dont la volonté inconsciente équivaut aux instincts psychiques de la psychanalyse. C'est ce même penseur, d'ailleurs, qui, en des paroles d'une inoubliable vigueur, a rappelé aux hommes l'importance toujours sous-estimée de leurs aspirations sexuelles. La psychanalyse n'a que l'unique avantage de ne pas affirmer sur un mode abstrait ces deux propositions si pénibles au narcissisme, celle de l'importance psychique de la sexualité comme celle de l'inconscience de la vie psychique. Elle en apporte la preuve au moyen d'un matériel qui intéresse chacun en particulier et qui oblige chacun à prendre parti en face de ses problèmes. Mais c'est précisément à cause de cela qu'elle s'attire l'aversion et la résistance humaine, lesquelles, devant le grand nom du philosophe, s'écartent encore, effarouchées. Hugo Battini, à la fin de ce texte, Freud dit qu'on s'écarte, effarouché, face à la découverte de l'inconscient. C'est incontestablement vrai en ce qui concerne ses propres concepts et ses propres pratiques surtout, qui font encore plus peur que ses concepts. Mais il a l'air de dire que déjà, lorsque des philosophes ont commencé, comme Schopenhauer, à évoquer quelque chose comme des pensées inconscientes, on était effrayé. C'est vrai, ça ? À l'époque de Schopenhauer, vous dites qu'il a été le plus lu des auteurs allemands de la deuxième moitié du 19e siècle. Parce que moi, je vais vous dire, je pense que plein de gens ont inventé l'inconscient, tout simplement parce qu'il n'était pas inventé, il était là. Je vais me dévoiler là, j'ai l'impression que tout le 19e ne parle que de ça, qu'il suffit de lire Adolphe de Benjamin Constant en 1816 pour avoir une auto-analyse admirable, que Julien Sorel en 1830 dans Le Rouge et le Noir est très analysé, analysable. Schopenhauer dit lui-même qu'en fait les moralistes français avaient déjà vu que par exemple nos jugements ont toujours la couleur de nos passions. Mais la différence, c'est que Schopenhauer dit, les moralistes français disent que parfois nos jugements ont la couleur de nos passions, alors que lui, pour Schopenhauer, c'est systématique. Hein, c'est-à-dire que nos jugements, nos décisions conscientes portent toujours la marque Ce sont des processus secondaires. Exactement, ce sont des processus de secondaire. Mais qu'est-ce qui fait peur alors? Ben, ça remet en cause une certaine. Qu'est-ce qui fait peur? Ça remet en cause une certaine image de l'homme. Surtout que Schopenhauer était déterministe. Freud sera déterministe, d'un point de vue psychologique. Et justement, Schopenhauer, il remet en cause la distinction kantienne entre l'homme comme personne libre, par opposition aux choses et aussi aux animaux. Et il remet en cause cette distinction fondamentale pour l'humanisme. Et justement, c'est une image de l'homme nouvelle qui apparaît, un homme qui serait sujet à des affects et des passions qu'il ne contrôle pas vraiment. Et ça comme on dira Freud, c'est « Der Geist ist nicht mehr bei sich », l'esprit n'est plus maître chez lui. Et ça écorne d'une certaine manière déjà l'image de l'homme. Hugo Battini. Surtout par rapport à ce que vous dites par rapport aux grands auteurs qui ont pu déjà, comme Benjamin Constant, mettre en avant ça, c'est que Schopenhauer va systématiser et va découvrir. Voilà. Et il y a une vraie résistance, là, pour le coup, qui va se faire, c'est qu'au moment où il publie son œuvre en 1919, Schopenhauer est persuadé que ça va être un pavé dans la marque, il va devenir un très grand philosophe, mais en réalité, sa renommée, elle est extrêmement tardive, c'est 53. Mais il est sulfureux ? Il est sulfureux, mais personne ne le lit. Donc, il est sulfureux, vous confirmez? Moi, je trouve que ce qu'il dit sur la sexualité, après c'est 42 sur la métaphysique de l'amour sexuel, quand Maupassant va tomber dessus, il va complètement être subjugué. Thomas Hardy en Angleterre, il y a une vraie pour Schopenhauer met des mots et propose une description de l'homme qui était peut-être en germe dans toute une série d'écrits, et puis qui est un peu dans l'air du temps. On voit Leopardi aussi qui dit ça en Italie. Mais sa systématisation est tellement frappante que c'est pour ça qu'à mon avis, tous les auteurs qui le liront vont reconnaître en lui une sorte de père fondateur. Son analyse de la folie. Christophe Bourriaud. Son analyse de la folie est aussi tout à fait originale. C'est-à-dire qu'il montre qu'il y a une différence de degré entre l'homme sain et l'homme qui souffre. Parce que la folie, c'est un mécanisme de substitution. On substitue à un événement qui nous fait souffrir, qui est insupportable, des fictions. Alors, on fait tout ça. C'est ce que dit Schopenhauer. C'est-à-dire que c'est une question de degré. Je suis bien échec, mon entreprise périclite à cause d'une mauvaise gestion. Je vais chercher des causes de substitution. Et je raconte une fiction. C'est la faute de la conjoncture. C'est la faute de mes collaborateurs. Et après, ce qu'il montre, c'est que la folie intervient à partir d'un certain degré de souffrance. Et il dit que c'est une maladie de la mémoire. Alors ça, il le développe particulièrement dans le cours que je viens de traduire dans la collection de Pierre-François Moreau, sur sa théorie de la connaissance, où il explique que la folie n'est pas un dysfonctionnement de la raison ou de la capacité de juger, c'est un dysfonctionnement de la mémoire. C'est-à-dire que la personne qui souffre de troubles graves, elle substitue aux événements du passé qui la font souffrir des fictions. Et ensuite, elle y croit. Et du coup, elle a un rapport au monde totalement faussé. Elle s'appuie sur des éléments qu'elle croit réels alors qu'ils ne le sont pas. Et ce mécanisme de substitution intervient notamment chez les personnes qui sont en proie de grandes souffrances et qui vont donc remplacer les événements douloureux par des fictions pourvu qu'elles concordent avec la suite de leur vie passée. Il y a toujours l'exigence de cohérence. Voilà. Et donc, il y a une continuité entre le normal et le pathologique avec un degré de dysfonctionnement qui est lié à la création de fiction, hein, qui fait que la mémoire se trompe. Il dit que c'est une maladie de la mémoire, la folie. Ouais. Patrick Declercq. Je rajouterais simplement à ça que Schopenhauer, comme Freud, pense que de toute façon, Freud laisse entrouvert une espèce de vague fantasme, mais fondamentalement, il n'y a pas d'espoir collectif. Schopenhauer est clair là-dessus. L'individu peut plus ou moins s'en tirer, ou en tout cas se séparer du non-sens, de la brutalité, de la volonté, etc., par l'art, par... Mais collectivement, il n'y a pas de solution. Collectivement, en quelque sorte, je dirais que l'histoire, en un sens, n'existe pas pour Schopenhauer. Oui, c'est un Goriot. Oui, l'histoire est toujours la même chose sous d'autres formes. Mais quand même, dans son cours sur la théorie du droit, qui est pas encore traduit, il y a cette idée que on peut s'entendre sur le mal. C'est-à-dire, on n'a pas la même conception du bien les uns les autres, mais on peut s'entendre sur certaines figures du mal, c'est-à-dire certaines formes de souffrance, certaines formes d'injustice. Et il dit que l'État est là pour empêcher le mal, le tort. Le droit, c'est une correction des lésions. Ce qui est premier, c'est le tort, c'est l'injustice. Et on peut étendre une lutte contre l'injustice à l'échelle politique. Alors en ce moment, en droit environnemental, il y a beaucoup d'auteurs, comme par exemple Amy Pulse, qui montrent qu'à partir de Schopenhauer, on peut envisager une nouvelle protection de la nature à partir du principe que tous les êtres vivants souffrent, ont une sensibilité, méritent un respect, et qu'il faut justement dépasser la distinction kantienne entre les choses et les personnes, et à partir de la métaphysique de Schopenhauer, penser justement une éthique qui soit plus large, qui s'étende aussi à des entités naturelles non humaines. Hugo Battini, vous voulez rajouter quelque chose? À mon avis, la clé, c'est sur cette idée de sensibilité. C'est-à-dire que la grande découverte de Schopenhauer, c'est que l'essence fondamentale de l'homme, c'est l'affectivité. Et donc, ce qui est important... Et ça, après des décennies de romantisme, on découvre. Oui, mais c'est-à-dire, ce qu'on découvre, c'est une affectivité qui est profondément irrationnelle, qui est sans fondement, et qui est aussi profondément souffrance, hein, qui est l'expression d'un besoin qui ne s'exprime et qui ne mène à rien. Enfin, et c'est vrai qu'en tout cas, Schopenhauer, Christophe Bourbier a raison, c'est qu'il y a une vraie piste à prendre pour repenser la morale et la question de l'environnement à partir de ce que lui dit de la compassion, mais de la compréhension générale d'une unité, de toute façon, des êtres, de l'homme jusqu'à la plante. Qui fait que c'est un auteur qui peut être aussi décisif. Christophe Bourgeois. Bah, juste pour préciser, Rémy Pulse, qui est un de mes doctorants, travaille précisément sur cette question et montre comment, en éthique environnementale, on peut réinvestir la métaphysique de Schopenhauer. Et nous avons fait un premier épisode sur le rapport à la nature, la question de la nature chez Schopenhauer, avec un pont vers Bergson. Alors, peut-être ce qu'il y a de plus inventif ou stupéfiant chez Schopenhauer, c'est sa sensibilité au mécanisme inconscient. C'est pas seulement le fait de l'inconscient, c'est comment ça marche. Alors, il y a notamment un texte assez célèbre où il suggère que parfois nous pensons être satisfaits de quelque chose et puis quand ce quelque chose s'arrête, nous sommes infiniment plus satisfaits, ce qui suggère que nous avions plein en fait d'hostilité inconsciente qui est là en quelque sorte révélée. On écoute ce texte lu par Riyad Kera qu'on pourrait intituler « La joie paradoxale ». J'ai contracté avec empressement un engagement réciproque, que je croyais très approprié à mes désirs. Voici que cette situation me crée des difficultés, me cause des torts, et je me prends à croire que je me repens au fond de mon empressement passé. Toutefois, je chasse cette idée. Mais voici que l'engagement est rompu par l'autre partie, et je m'aperçois avec surprise que cette solution me cause un profond soulagement et une grande joie. Souvent, nous ne savons pas ce que nous souhaitons ou ce que nous craignons. Nous pouvons caresser un souhait pendant des années entières sans nous l'avouer, sans même en prendre clairement conscience. C'est que l'intellect n'en doit rien savoir. C'est qu'une révélation nous semble dangereuse pour notre amour-propre, pour la bonne opinion que nous tenons à avoir de nous-mêmes. Mais quand ce souhait vient à se réaliser, notre propre joie nous apprend, non sans nous causer une certaine confusion, que nous appelions cet événement de tous nos vœux. Tel est le cas de la mort d'un proche parent dont nous héritons. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Qui a découvert l'inconscient? Schopenhauer et Freud, c'est notre sujet ce matin. Dans le cadre d'une série consacrée à Schopenhauer, je suis en compagnie de Christophe Bourriaud, d'Hugo Battini et de Patrick de Clercq. Dans cet extrait du fameux livre de 1819 de Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, Schopenhauer évoque donc des motifs inconscients qui sont parfois hostiles, alors même que nous croyons être satisfaits de quelque chose. L'inverse existe aussi, et il termine quand même sur une note cruelle. Parfois, la mort d'un proche parent dont nous héritons, Patrick de Clercq, ne nous plonge pas du tout dans l'accablement. Il y a une curieuse excitation. Il met là le doigt sur des choses peu avouables. Et c'est ça, les découvreurs de l'inconscient. Ils mettent le doigt sur des choses peu avouables. Peu avouables, scandaleuses, et qui nous renvoient à l'opposé de la fantaisie narcissique permanente, des joies de l'humanité, d'être semblable à Dieu. Si nous sommes semblables à Dieu, il doit avoir une bien sale gueule. Et Schopenhauer, je pense que pour moi, c'est ça qui me touche vraiment, et sa grandeur, c'est qu'il s'efforce à lutter furieusement contre toute illusion. Et la nature humaine n'est pas jolie. La nature humaine n'est pas jolie. La nature humaine est une catastrophe. Est conduit à Auschwitz. Ou à une variation quelconque d'Auschwitz. Le problème, c'est que chez Schopenhauer, c'est... Bon, bien évidemment, il n'aurait peut-être pas pu anticiper la catastrophe que vous évoquez, mais il n'y a même pas ce que Freud appellera plus tard les pulsions de mort. Il n'y a que Eros. Il y a, je dirais même, la libido freudienne, en quelque sorte, qui, par exemple, dans l'amour, pour Schopenhauer, l'amour exprime une pulsion sexuelle, une envie de reproduction. Tout ça, normalement, ne fait pas de mal à l'espèce. Notre inconscient est bien organisé chez Schopenhauer. Il fait fonctionner l'espèce, il est au service de la vie et pas au service de la mort. Oui, mais je rajouterais, j'ai un doute, c'est-à-dire que je pense que, la pulsion est au service de la vie, mais est au service de la vie en fonction de l'intérêt de l'espèce. Oui, c'est ça. Pas en fonction de l'intérêt de l'individu. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons une sexualité joyeuse, entêtée et persistante, qui est la même que celle de n'importe quelle souris. Et c'est grave, ça, Christophe Bourriaud, si ça conduit à se reproduire, qu'on ait des illusions là-dessus, qu'on croit dans notre singularité et dans la singularité de l'être aimé qu'on s'est choisi. Oui. Est-ce que c'est grave si, au bout du compte, ça produit de la vie, de la reproduction de l'espèce? Bah oui, c'est grave, parce que Schopenhauer, il pense que les amoureux sont victimes, les amants, d'une ruse de l'espèce. C'est-à-dire que, inconsciemment, on est attiré par le partenaire qui a le plus de chances de reproduire avec nous le type sain, je sais pas comment dire, le type idéal de l'espèce. Alors, je sais que c'était démontré à propos des animaux avec la théorie des phéromones, mais Schopenhauer dit qu'en fait, l'attirance physique et même amoureuse répond à un mécanisme biologique qui est d'augmenter les chances du couple de reproduire un type sain. Et ce qui fait qu'il dit qu'une fois que la nature a atteint son but, une fois que la reproduction a eu lieu, alors l'amour s'étiole, l'amour disparaît, les amants ne s'aiment plus. Donc c'est une vision extrêmement pessimiste. Et mais qui cliniquement n'est pas faux statistiquement. Oh, j'espère que c'est faux. Ah, alors le Schopenhauerien nous dit qu'il espère que son auteur a tort. Alors Hugo Battini, je voudrais savoir, ce qui est grave, si on essaye de... Ce qui est triste, ce qui est sombre, c'est pas le rapport à l'espèce. L'espèce, elle se débrouille très très bien chez Schopenhauer. C'est le fait que l'intellect individuel ne voit rien. Il est complètement aveuglé. C'est ça ce qui est grave, texte. Non c'est... Mais ouais, c'est ça. L'idée, c'est que, effectivement, et puis c'est la grande pensée de Schopenhauer, c'est que tout ce qu'est la pensée consciente, l'intellect, est secondaire par rapport à la volonté. Moi, ce que, par rapport à la discussion, là, ce qui est grave dans l'histoire de l'amour, c'est précisément que ce soit une illusion et que cette illusion va se dissiper. Si l'illusion, à la limite, elle durait, ce serait pas grave, il y aurait un phénomène de reproduction et puis oui. Ça serait là. Mais une fois la reproduction, oui. Comme l'a dit Christophe Bourriaud, accomplie, ça tombe. Il y a ça dans un roman moins connu de Maupassant qui s'appelle Mont Oriol, où une femme cherche à être enceinte et puis elle va tomber enceinte du jardinier de l'institution. Qui est un aspect un peu bestial déjà dans la description de l'homme, et on croit qu'il est amoureux de cette femme, et dès qu'elle est enceinte, il dit « la nature a fait de cette femme une bête », et il la délaisse. Et c'est ça qui est assez intéressant chez Schopenhauer, c'est que ce qu'il critique dans la perception du sentiment amoureux, c'est l'espèce d'illusion qui va mener l'homme sur une voie qui va l'amener à faire ce qui est à ses yeux une erreur. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, dans ce cas-là, pour revenir à une théorie plus générale sur l'aspect secondaire de l'intellect, c'est ce que met bien en avant la volonté. C'est-à-dire la victoire d'une pulsion inconsciente qui fait qu'on est une marionnette. Voilà. On est agité par quelque chose qu'on comprend pas. Et d'ailleurs, tout sa solution, essayer de se libérer de cette emprise de l'égoïsme, du vouloir vivre sur nous par des voies de libération. Qu'est-ce que ça veut dire alors pour l'intellect qu'il qualifie de valet de la volonté et en fait on pourrait dire de valet complètement aveugle. Est-ce qu'on a les moyens de résoudre ça, d'y voir clair sur nous, chez Schopenhauer? Non, c'est Freud qui essaie de développer des moyens d'y voir clair. Là, si on prend le texte qu'on a lu, on voit bien que la personne, c'est le phénomène de la joie paradoxale. Elle découvre au moment de la mort du proche parent qu'elle finalement, elle est contente. Mmh. Et donc, elle avait totalement refoulé. Alors, il n'utilise pas le terme j'aime de refoulement. J'aime bien votre « elle », parce qu'en fait, c'est peut-être un « il » dans le texte, mais... Ah, j'ai voulu... On n'en sait rien, en personne, fait. Personne. J'ai voulu dire la personne. Non, je vous chambre. Oui. Ouais, c'est vrai que je suis trop féministe. Alors... En fait, la personne a refoulé son désir de récupérer l'argent et ce refoulement est révélé au moment où elle hérite et elle ressent une joie qu'elle devrait pas ressentir à ce moment-là. Donc là, il y a tout le mécanisme du refoulement. Pareil dans le contrat. Par exemple, quelqu'un qui a prévu de vendre sa maison de famille alors qu'il y est attaché et qui apprend que finalement la vente ne peut pas se faire, il va ressentir une joie paradoxale. Parce que Schopenhauer veut montrer qu'il y a deux niveaux dans le psychisme humain. Il y a des motifs conscients, puis il y a des motifs qu'on a enfoui. Il n'utilise pas le mot Verdrängung, refoulement, mais enfoui, recouvert de la main, étouffé, et qui vont se réveiller au moment où l'occasion se présente. Et on peut le comprendre alors. On peut comprendre ce mécanisme. Ça arrive. On peut comprendre le mécanisme, mais après, au niveau des troubles psychiques ou de la souffrance psychique, il propose pas contrairement à Freud, de traitement, de solution. Alors, si vous voulez bien, à lire pas à pas les analyses de Schopenhauer sur nos sentiments bizarres, pourrait-on dire, qui ne correspondent pas à ce que nous croyons de nous-mêmes. Écoutez cette fois, donc c'est le chapitre 32 du Monde comme volonté et comme représentation, un autre extrait assez célèbre. Rappelons-nous avec quelle répugnance nous pensons aux choses qui blessent fortement nos intérêts. Notre orgueil ou nos désirs. Avec quelle peine nous nous décidons à les soumettre à l'examen précis et sérieux de notre intellect. Avec quelle facilité, au contraire, nous nous en écartons brusquement ou nous nous en détachons peu à peu sans en avoir conscience. Tandis que les choses agréables pénètrent si bien d'elles-mêmes dans notre esprit, s'y glissent à nouveau si on les enchasse et retiennent notre attention pendant des heures entières. C'est quand même bien fait, hein, notre nature, Patrick de Clercq, que on retient mieux ce qui nous est agréable. Oui, mais le sous-texte est « on retient mieux ce qui nous est agréable, même si ce qui nous est agréable est de qualité catastrophique ou d'une imbécilité terrifiante ». Vous êtes tous d'accord. Ce qui nous flatte, voilà. Donc c'est quand même le... peut-être moins le narcissisme que la pusillanimité du petit être humain qui, qui pense tout en fonction de ses intérêts les plus immédiats, c'est ça. C'est l'origine du mal chez Schopenhauer, c'est l'égoïsme, justement. Vous voyez, parler peut-être dans le micro, c'était très important ce que vous venez de dire. C'est l'égoïsme, l'origine du mal chez Schopenhauer, il le montre dans le livre 4, c'est cette espèce d'incapacité qu'a l'homme à se penser autrement qu'au centre des choses. Et il va faire de l'égoïsme l'origine de tous les maux. C'est ça aussi l'originalité de Schopenhauer, c'est-à-dire qu'il rompt avec une tradition allemande qui s'attachait à traiter le problème du mal. Comment concilier Dieu avec l'existence du mal, physique et moral. Et il dit, cette problématique empêche d'aborder la question, quelles sont les causes du mal, de la souffrance, de l'injustice, et quels remèdes peut-on y apporter ? Et à cet égard, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire, il s'agit de prendre le mal au sérieux, de le reconnaître, de lui reconnaître une positivité, pas chercher à l'expliquer, à se réconcilier avec lui, mais agir. Et agir en découvrant la cause du mal, qui est cet égoïsme dont tu viens de parler, Hugo, et proposer des voies des solutions, la voie éthique, la voie esthétique et la voie ascétique. Donc là, évidemment, vous buvez du petit lait, je pense, Patrick Declercq, parce qu'il fallait envoyer par-dessus bord Dieu pour penser la question du mal. C'est ça que Schopenhauer nous a fait comprendre. C'est ce que vous pensez aussi, je crois. Oui, je pense que Dieu est un fantasme narcissique dont on ne finira pas de décrire l'illusion pathétique. Mais il y a autre chose dans ce qu'on vient de dire qui débouche sur une interrogation vis-à-vis de la démocratie et de ses objectifs collectifs. Si nous sommes, comme le pensent Schopenhauer et Freud d'ailleurs, surdéterminés par notre narcissisme immédiat, c'est-à-dire nos besoins immédiats et infinis, ça renvoie à un vieux dicton nord-américain sur la politique et les élections, qui est de dire « It's all about the money, stupid ». Ça veut dire « C'est à propos du fric, mon pote ». Ce n'est pas question de l'écologie ou de l'avenir de l'humanité ou de la paix générale, etc. C'est « Qu'est-ce qui va tomber dans mon portefeuille pour réaliser mes pulsions ?» Basta. Et je trouve que vous allez bien vite en besogne sur les pulsions, c'est peut-être plus grave que le fric encore. Les raisons pour lesquelles on vote pour Trump, puisque c'est de lui que vous parlez, c'est lui qui a prononcé cette phrase. Bien sûr, il nomme quelque chose qu'on n'aime pas trop avouer, enfin ici, parce qu'aux États-Unis, on n'a aucun mal à dire qu'on aime le fric. C'est pas du tout le même genre de problème, c'est pas inavouable. Peut-être y a-t-il des raisons encore plus inavouables. Je ne sais pas, raciste, xénophobe, misogyne, si je reprends les propos classiques de Trump, qui font qu'on vote pour ce monsieur-là. Oui, oui, mais ma citation n'était pas celle de Trump. Trump a repris cette phrase, mais elle est assez ancienne dans la politique américaine. Trump, c'est encore une autre affaire. Enfin, quoique, Trump représente quand même un succès monstrueux. De pulsions diverses et primaires. Oui. Trump avec Madame Trump qui aurait son âge, son physique, son maquillage et sa perruque n'aurait pas le succès qu'il a. Si vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus. Sinon, je voudrais qu'on passe à la question de ce que l'inconscience, même s'il n'y a pas ce substantif chez Schopenhauer, crée aussi. Il travaille, il ne fait pas que grignoter l'intellect, il l'aide aussi parfois. Il y a un exemple célèbre que vous donnez dans votre très stimulant livre, Christophe Bourriaud, Schopenhauer aux belles lettres, je crois que c'est un livre de 2013, que vous avez écrit. Vous donnez l'exemple de Schopenhauer, vous le travaillez, d'une lettre qui nous dérange, qu'on reçoit, et puis on la met de côté, on n'y pense plus. Et en fait, quand on retombe sur elle quelques semaines plus tard, on l'a pensé, on a pensé le problème, mais de manière inconsciente. Expliquez un peu mieux que je l'ai fait, s'il vous plaît. C'est un phénomène très étrange, mais qu'on connaît tous. Il prend l'exemple d'un type qui reçoit une lettre, qui lui pose des problèmes. Ça peut être une question d'héritage. Il décide de plus y penser pendant 2 jours. Et puis, il se réveille 2 jours plus tard, le matin, et Eureka, il a trouvé la solution. Ça veut dire qu'il y a un traitement inconscient d'information. Oui. Alors, Henri Poincaré a vu la même expérience, qui entrait travailler sur les fonctions fuchsiennes. Et au moment de rentrer dans le bus, il avait un problème mathématique. Et au moment de rentrer dans le bus, à ce moment-là, il trouve la solution à son problème de mathématiques alors qu'il n'y a pas pensé pendant 2 jours. Et alors, c'est très étonnant, mais ça nous arrive à tous, pour être pour les mots croisés, pour un problème d'échec qu'on n'arrive pas à résoudre, on laisse tomber et tout d'un coup, quand on y revient, on trouve aussitôt. Ça veut dire qu'on continue d'y penser sans en avoir conscience, ce qui paraît paradoxal. Comment peut-on traiter un problème sans en avoir conscience? Mais c'est ce qu'on peut constater, hein, ce traitement inconscient de l'information. Hugo Battini. Oui, Schopenhauer, il va reprendre une image qui va devenir un peu classique après, de la surface, la pensée en surface. Voilà. Et puis, il y a toute une masse de profondeur. Mmh. Mmh. Et il dit dans les Parargas, à un moment, il dit « plus de la moitié de nos pensées sont inconscientes ». Donc, ouais. On voit bien que ça s'ajoute. On voit le résultat, mais on ne voit pas le processus qui a conduit au résultat. De toute façon, la représentation chez Schopenhauer, la représentation n'a aucune action. Et justement, la volonté qui est définie contre la représentation, elle n'est qu'action. Donc, ça ne peut être que la volonté qui agit. Quoi. Alors, il y a quelque chose qui me fait penser à justement cette position de l'analyste qui, en fait, nous ne sommes pas là pour, en écoutant ce que raconte l'analysant, nous ne sommes pas là pour réfléchir à ce qu'a écrit Freud en 1923. Nous sommes là pour écouter en arrière et en quelque sorte dans une sorte de rêverie partagée. Et là, les choses commencent à faire sens et à sortir de notre inconscient d'abord, dont tout l'extraordinaire de cette situation, c'est que, quand ça marche, notre inconscient rentre en écho avec celui de l'analysant. Et donc, nous produisons en quelque sorte à sa place, ou en partie en s'identifiant à lui. Mais c'est un processus qui est inconscient ou préconscient, et qui est très mais créatif, certainement pas conscient. Si c'est conscient, ça ne marche pas. Et qui est créatif, d'après ce que vous dites. Il y a dans les rêves et dans les associations d'idées, des surprises, des choses. Et c'est comme jolies. Ça que sortent les textes, moi qui écris depuis maintenant une vingtaine d'années, les nouvelles que j'écris me viennent comme des rêves éveillés. Elles sont là, mais je ne les choisis pas. Oui, voilà, ça s'impose à... Je ne les choisis pas. Alors, je voudrais revenir aussi, si vous le voulez bien, à la démarche de Schopenhauer par rapport à celle de Freud. Peut-être que, puisque vous avez dit que la dette est moyennement reconnue à l'égard de Schopenhauer, peut-être est-ce parce que Freud voulait absolument apparaître comme un homme de science, plus qu'un homme de philosophie. Je vous propose d'attaquer ce morceau assez passionnant, d'ailleurs, en écoutant le propos de Jean Lefranc, un philosophe qui, invité à France Culture par Francesca Piolo en janvier 2005 pour une émission sur Schopenhauer, avait évoqué ce sujet. Il est une image assez qui répète plusieurs fois. Le savant et le philosophe, et le métaphysicien, sont comme deux mineurs qui creusent chacun une galerie. Puis, à un certain moment, on s'est retrouvé, le tunnel sous la Manche, on l'a creusé, le côté anglais, le côté français, puis ça avance, ça se rejoint. Eh bien, c'est ça, la science et la métaphysique. Il est tout à fait hostile à tirer la philosophie de la science, ou à soumettre la science à la philosophie. Oui. Il faut qu'ils gardent leur indépendance. Mais il est convaincu que finalement, quand la philosophie est bonne, elle va rejoindre sur des thèmes fondamentaux. Et en son temps, cette idée que le fond des choses, c'est un vouloir vivre, c'est un vouloir, c'est une force, c'est une énergie aveugle qui pousse comme ça. Bon, eh bien, cette idée-là correspond très bien à la physique du temps, et qui est encore la nôtre, au fond, c'est-à-dire une physique où la matière est avant tout énergie. Christophe Bourriaud, est-ce que Schopenhauer voulait soumettre la science à la philosophie alors que Freud voulait exactement le contraire ? En tout cas, Schopenhauer, il était passionné par la science. Il lisait énormément de revues scientifiques, il avait le souci, c'était une des raisons de son opposition à Hegel, il avait le souci de tirer profit de toutes les données scientifiques pour pouvoir vérifier s'il y avait une convergence entre ses propres intuitions philosophiques et les résultats des sciences. Mais effectivement, Freud prétend faire de la science et donc se sépare de Schopenhauer sur ce point, c'est-à-dire qu'il essaie de donner une valeur scientifique aux intuitions purement philosophiques de Schopenhauer. Et c'est ça que je dirais. La grande identification de Freud, Patrick de Clercq, c'est Darwin quand même, non ? C'est Darwin, en toute modestie, Darwin, Copernic et moi. Après, il est revenu, il a dit. Abraham lui a dit non, il y a aussi Schopenhauer avant toi. Il a dit oui, c'est vrai, le troisième, c'est Schopenhauer qui a remis en question l'image de l'homme. Mais en fait, il voulait de la science, c'est clair. C'est vraiment. Oui, tout à fait. Oui. Wissenschaft, c'est clair. Et dans dernier chapitre de des nouvelles introductions à la psychanalyse, il est tout à fait clair là-dessus. C'est une science objective. C'est tout ce qui explique aussi d'ailleurs une partie de ses erreurs. C'est-à-dire qu'il rêve de physique. Et au fond, l'idéal de la physique, c'est la gravitation. C'est-à-dire que ça s'applique partout, une fois pour toutes. Quand il dit que le rêve est nécessairement une source de plaisir, c'est faux. Et on lui fera remarquer. On dira, oui, mais qu'est-ce qui se passe alors des rêves d'effets traumatiques, des rêves de catastrophes ? Il dit, ah oui, mais alors ça revient parce que c'est le rêve qui revient pour, en quelque sorte, laminer la souffrance du négatif et que, en fait, donc, on est quand même sur la logique d'une espèce de logique de plaisir. C'est vrai qu'on lui avait opposé le cas des cauchemars. Il y avait une patiente qui était venue lui dire, vous dites que le rêve, c'est la réalisation d'un désir. Or, je veux donner un dîner, j'y arrive pas, il n'y a plus rien dans le frigo, le téléphone est en panne, je sors, le traiteur est fermé. Et en fait, Freud arrive à montrer que son désir inconscient, c'est de ne pas donner ce dîner, parce que ça mettrait son mari en présence de la femme du collègue, qui est une femme gironde, et son mari aime les femmes qui ont des formes pleines. Donc il arrive à retomber sur ses pieds en montrant que en l'interrogeant, en lui faisant avouer une forme de jalousie à l'égard d'une rivale, qui fait que son désir profond, c'est de ne pas donner ce dîner, en fait. Mais elle n'en a pas conscience au moment où on rêve. Donc là, il arrive quand même à retomber sur ses pieds à chaque fois. Oui, mais ça marche moins si on rêve de sa propre mort, à l'hôpital, etc. Il a répondu, excusez-moi, messieurs, mais s'il a passé tellement de temps en ayant plein de psychanalystes formés par lui, contre lui, à monter ce qu'on appelle la deuxième topique, c'est-à-dire à montrer qu'il y a du négatif en nous, à partir du texte fameux « Au-delà du principe de plaisir » de 1920, s'il a tâtonné pour aller chercher des pulsions de mort qu'aujourd'hui plein de psychanalystes ne reconnaissent d'ailleurs pas, c'est précisément pour répondre aux objections que vous dites, pour essayer de trouver quelque chose de très très morbide dans l'être humain, non ? Oui, il a fini tardivement, je pense, avec profondément, avec raison et audace, de penser qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne marchait pas au royaume du Danemark, et que c'est la pulsion de mort, c'est la destructivité, c'est la jouissance dans la destructivité, ce qui est encore pire. Il est encore plus pessimiste que Schopenhauer. Mais bien sûr, parce que Schopenhauer n'a jamais dit cela, on est d'accord. Non. Et vous en êtes d'accord aussi ? Pour Schopenhauer, on peut lutter contre le mal. Oui. Tandis que pour Freud, quand il voit qu'une société extrêmement civilisée est capable de cette barbarie qu'a été la Première Guerre mondiale, il se dit bah, c'est bon, il y a en nous une soif d'autodestruction qu'on ne pourra jamais éteindre. Mais sur la question de la science, on oublie souvent, mais Schopenhauer n'a pas commencé par faire des études de philosophie, comme la plupart des grands idéalistes allemands de l'époque, mais il s'est inscrit à Göttingen, précisément. En médecine. En médecine. Il aurait pu aller à Iéna, qui était plus près d'où il habitait, mais il a voulu commencer par des études de médecine. Il a énormément approfondi la physiologie. Et à mon avis, la grande distinction avec Freud, c'est qu'il y a un ancrage physiologique de l'inconscient chez Schopenhauer, puisqu'il va être capable de décrire les mécanismes d'évolution du système nerveux. Et vous trouvez ça brillant, vous êtes d'accord ? Parce que je voudrais quand même dire, je me permets de dire que quand même, il y a des descriptions organiques de Schopenhauer, mais il est à l'ouest. Hein. Je vais lire quand même pour montrer que ce n'est pas juste une opinion. L'intellect, donc, qui est à la surface des choses, hein, comme vous l'avez bien expliqué, qui ne voit pas tout, est, écrit Schopenhauer, une fonction du cerveau. Et celui-ci, avec les nerfs ambiants et la moelle épinière, n'est qu'un fruit, je dirais même un parasite du reste de l'organisme. Enfin, pour un étudiant en médecine, c'est... Mais ça, c'est une interprétation qui fait des textes de Gall. C'est Gall, Rayle... Mais par ailleurs, sa théorie de la perception est très aboutie. Elle sera même discutée par Helmholtz. Alors, sa théorie de la perception, on la retrouve notamment sur l'optique. On la trouve dans le cours sur la théorie de la connaissance que j'ai traduit, là, chez Garnier. Et c'est une thèse sur le mécanisme de la vision. Et où il répond à Goethe. Et il sera aussi discuté par Hermann von Helmholtz, qui lui parlera d'inférence inconsciente impliquée dans la perception. Mais il est pris au sérieux parce qu'il a une connaissance scientifique de la théorie de la vision extrêmement poussée. Est-ce que ce n'est pas très fort quand même, Patrick Declercq, que Freud précisément n'ait pas donné de foyer organique à l'inconscient, alors que là on voit, il essaye, Schopenhauer, de dire que c'est le fond du corps, c'est la chair, alors que l'intellect ne serait qu'à la surface et que le cerveau lui-même ne serait qu'un parasite. Enfin, c'est hallucinant ce qu'il écrit. Et finalement, ça montre bien l'impasse peut-être d'aller chercher de l'organique partout. Freud a rompu avec ça. Et pourtant, il est scientifique. Il pense que les mécanismes inconscients, bon, bah, c'est dans le cerveau, mais c'est difficile de dire où exactement. C'est difficile de dire où exactement. Les IRM ne le montrent pas. On voit l'activité sur les IRM. On voit des choses qui s'allument. On peut voir les lieux de langage, de multilangage, etc. On voit des tas de choses, mais on ne voit pas l'inconscient. Mais pour lui, et il dit et il répète que il est sûr que la science va évoluer. Il louche d'ailleurs vers des progrès de la pharmacologie pour pouvoir. Il n'est pas contre du tout la pharmacologie. Au contraire, tout ça sont des choses qui vont venir au secours de. Et pour la pharmacologie, il a au moins en partie raison, quoique on peut boire tout l'aldol que l'on veut, on ne guérira pas pour autant de sa psychopathologie. Pas mal que la pharmacologie ait dépassé l'éthanol, quand même. Vous avez le dernier mot, Christophe Bourriaud, peut-être sur l'invention schopenhauerienne d'un homme qui n'est plus souverain à lui-même. C'est ça, quand même. On est paumé, quoi. Il y a des choses en nous qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses en nous qu'on ne maîtrise pas, mais on peut peut-être agir sur soi. On peut peut-être faire un travail sur soi. L'expérience esthétique est une manière de fuir l'égoïsme, de s'ouvrir aux autres. La contemplation, il pratiquait la flûte aussi, régulièrement. Il avait une vie ascétique au sens d'exercice spirituel qui lui permettait de ne pas être dévoré par ses propres pulsions, parce que lui-même souffrait énormément de la pulsion sexuelle. Donc on peut agir quand même. Oui. Alors, moyennement, parce qu'il a dit, la pulsion sexuelle, j'ai attendu 60 ans pour en être libéré, je vais beaucoup mieux maintenant. Mais là, on n'y peut rien. Hein. Alors peut-être si, par des échappatoires, parce que il disait, par exemple, que la philosophie ne lui avait pas beaucoup apporté, mais lui avait beaucoup épargné de souffrance. Il disait à Chalmel Lacour à la fin de sa vie, quand je pratiquais la philosophie, au moins, j'échappais à la tyrannie de mes pulsions. There's nothing I can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you at night. When it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way. Yeah, you'll go your own sweet, your own sweet way. Your Own Sweet Way, du groupe britannique The Notting Hill Billies. Et on entend donc dans cette chanson de 1990, Mark Knopfler nous dire que voilà, when it comes to love, quand on arrive aux choses de l'amour et du sexe, il n'y a rien que je puisse faire, rien que je puisse dire, tu feras ce que tu veux, tu feras à ta manière douce. Et peut-être non maîtrisé. Merci beaucoup Christophe Bourriaud, merci Patrick Declercq et merci Hugo merci Bettini. Vous avez éclairé pour nous la question de l'inconscient chez Schopenhauer avant Freud et avec Freud. Les références de vos travaux sont sur le site d'Avec Philosophie. Il est temps de retrouver Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de l'information. Voici le pourquoi du comment. Comment l'information devient-elle un pouvoir? Si l'information ou les informations étaient évidentes, si elles étaient fondées sur les choses mêmes, si le sens apparaissait dans la nature sur la base de modèles absolus comme dans les formes pensées par les philosophes grecs, ou bien si elles étaient fondées sur une science acceptée par tous, par exemple si le sens du monde était figé dans les sciences de la nature et dans les fondements mathématiques, ce que l'on pourrait d'une certaine façon espérer, alors il n'y aurait pas de conflit sur les informations. Alors les messages qui émergent du monde apparaîtrait clairement à tout le monde de manière lumineuse et nous aspirons tous à cette information transparente, à ce partage d'un sens absolu qui nous ferait échapper à la confusion des choses. Mais malheureusement, pour le pire et peut-être parfois pour le meilleur, l'information émerge laborieusement pour les êtres humains du bruit du monde et elle émerge non seulement laborieusement comme le montrent les statisticiens, les physiciens qui nous montrent aussi dans la mécanique statistique le surgissement du sens, le surgissement même entre les atomes, dans l'infini mouvement des atomes et de la vie, des bactéries, il émerge tout à coup du sens, il émerge de la forme, oui, mais pour les êtres vivants une fois constitués, ce sens émerge encore, mais il émerge avec une puissance qui est orientée, qui est normée par les puissances vitales. Nous cherchons à sélectionner sur le fond du bruit du monde ce qui nous importe. L'information n'est jamais neutre pour nous, elle n'est jamais seulement normée sur la vérité ou sur la forme abstraite et parfaite des choses, elle est normée aussi sur ses enjeux vitaux. C'est pourquoi aussi il y a dans l'information, dans ce que nous sélectionnons du bruit du monde, quelque chose comme un pouvoir, une puissance dans les choses mêmes. Mais alors, on comprend aussi pourquoi, entre les êtres humains, pour qui l'information passe par la relation, passe par le langage, passe par la société, et aussi est un enjeu de pouvoir mutuel, non seulement des effets vitaux sur, avoir des informations sur la météo qu'il fera demain, sur les épidémies qui vont peut-être se transmettre, mais aussi sur les intentions des uns et des autres, être informé des dangers qui nous guettent, eh bien oui, l'information devient un pouvoir. Elle suppose à la fois une action, une médiation humaine, un tri dans le monde que les humains partagent entre eux, et puis aussi un effet entre les humains, une perception mutuelle des informations, et entre les deux, il y a le contrôle des moyens de l'information. L'information est donc au cœur du social et du politique, car sélectionner l'information devient non pas un enjeu secondaire parmi d'autres, comme s'il y avait d'abord vivre, survivre, s'aimer, se haïr, et puis ensuite partager l'information. Non, nous ne faisons rien sans cette médiation de l'information, sans cette sélection des messages qui passent pour les êtres humains, encore une fois, par leurs relations sociales et par leurs institutions politiques. Alors bien sûr, la notion, disons, journalistique de l'information, cette autonomisation des médias n'est apparue qu'au début du 19e siècle dans l'histoire européenne, avec justement cette institutionnalisation démocratique de médias qui se partagent le champ social de l'information légitime. Mais d'une certaine façon, cela a toujours été là. Le contrôle de l'information fait partie du pouvoir, aujourd'hui de manière de plus en plus explicite, et il faudra y revenir. En tout cas, l'information, en quittant le ciel des idées, est devenu un objet de concurrence et peut-être de guerre entre les humains. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Marine Boudalier, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.